Donc salut à tous et bienvenue pour une nouvelle émission Retro Gaming, et cette fois-ci on est avec un nouveau collectionneur en la personne de Gwenju. Comment tu vas Gwenju? Ah bah ça va super pour moi. Bon écoute, on est content de t'inviter, hein. On veut donner la parole un peu à des gens qui sont méconnus entre guillemets dans le milieu du Retro Gaming sur YouTube et puis sur les, peut-être, je sais pas si c'était sur des forums quelconques peut-être. C'est vrai que je suis pas trop sur tout ce qui est forum et tout ça, parce qu'en fait j'y suis beaucoup été sur les forums, mais il y a très très longtemps. Ouais. En fait, pour les gens qui... Enfin, je pense pas que maintenant que les gens qui me suivent le sachent, il y a très longtemps, quand on a commencé Internet en 95, on va dire, je m'occupais beaucoup de tout ce qui était émulation. D'accord. Déjà à l'époque. Et en fait, j'avais un site qui parlait des émulateurs. Qui commençait à avoir une petite renommée pour l'époque, hein, ouais. Parce que 95 c'était quand même le début de l'internet, hein. Et je m'occupais en fait des tout premiers, ce qu'on appelait nous les forums de discussion avant, c'était les news groups. D'accord. Je sais pas si t'as connu. Ça me dit quelque chose en effet, ouais. Ouais, c'est un protocole particulier d'internet, hein. Et là-dessus les gens ont commencé à parler, c'était les tout premiers forums en fait, hein. Et je m'occupais de la charte, enfin de la FAQ, qu'on appelait les FAQ de ouais. Tout ce qui était émulation sur ces newsgroups. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à être un petit peu connu sur Internet. Si vous voulez googliser, vous trouverez des interviews de moi à l'époque où je parlais d'émulateurs et compagnie. Et en fait, là, la chaîne YouTube, ça fait 3 ans que j'ai une chaîne YouTube qui parle que de Pokémon Go. D'accord. Parce que j'ai découvert ce jeu voilà, qui me faisait sortir, qui me faisait faire des balades et tout ça. Donc j'avais fait une chaîne parce qu'il n'y en avait plus beaucoup qui parlaient de ce jeu-là. Ouais. Et ça commençait un petit peu à me lasser. Il y a 2 ans, j'ai commencé à regarder pas mal les gens qui faisaient tout ce qui était vide-grenier et compagnie. D'accord. Et là, je me disais, mais attends, ces gars-là, ils sont en train de se faire des collections à moindre coût, on va dire. Ouais. Et moi, j'ai toujours été collectionneur. Et donc, j'ai commencé comme ça. J'ai commencé à faire des petites vidéos que je postais sur ma chaîne de Pokémon Go. Mais bon, ça ne les intéressait pas, les viewers de cette chaîne-là. Et c'est comme ça que j'ai décidé, il y a un an, de séparer les deux chaînes et de me lancer sur une chaîne qui va uniquement parler surtout de collections. Et je voulais aussi montrer que j'étais joueur. Et donc, c'est vrai que je fais des let's play, je fais des découvertes de jeux. Enfin, voilà, je parle de plein de choses. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant de voir l'évolution qu'il y a eu à partir du moment où peut-être les nouvelles consoles ont déçu pas mal de gens et beaucoup d'anciens joueurs ont voulu retourner à leurs premiers amours sur les cartouches et puis on va dire peut-être les premiers CD de PS1. Toi, tu considères que le rétro gaming il s'arrête à partir de quelle console? Est-ce que c'est PS1 ou PS2 ou ça va plus loin pour toi? Alors, c'est vrai que il y a quand même eu un fossé, on va dire, quand il y a eu la cartouche qui a disparu pour l'avènement du CD. Ça a vraiment fait un... On a vraiment passé un cap. Mais là, on a aussi passé un cap quand on a eu la PS3. Par exemple, pour là, on est passé en full HD, on va dire, avec le HDMI. Et c'est vrai que pour moi, il y a eu deux fossés. Ça a été le moment où la PS1 est arrivée, et effectivement, où elle a tout balayé. Ouais. Et le moment où la PS3 est sortie, où là je pense qu'on a repassé encore un cap en fait dans le jeu vidéo, parce que je me rappelle, moi j'ai acheté la PS3 le premier jour. Je suis arrivé chez moi, j'avais une télé cathodique. cathodique. Ouais, ouais. Et puis je me suis dit, mais attends, c'est nul, c'est nul. Et là, du coup, le jour même, je suis retourné au magasin, je suis revenu avec une télé HD et puis un home cinéma. Et là, j'ai dit, waouh, ah ouais, on a passé un cap. Donc ouais, je pense que pour moi, la rétro gaming, il va même jusqu'à la PS2 compris en fait. D'accord. Mais c'est vrai que moi, ça, l'expérience que tu as eue avec ta PS3, moi je l'ai eue avec la Xbox juste avant, où j'avais les Trinitron, là, Philips, les Ouais, grosses ouais, ouais. télés de 45 kilos énormes. Qui, enfin, Ouais. et l'image encore était meilleure que sur les cathodiques d'origine. Mais sincèrement, quand tu après t'avais les télés HD Ready là, qui sont sorties, Exactement ça. c'était bon, c'était cher, hein. La vérité, c'était plus de 2000 euros la télé déjà à la base quand tu voulais une grosse télé. Mais la Xbox 360, là, elle prenait toute son ampleur. Et Exactement. mais voilà, moi, ce que je comprends en fait, et ce que j'ai du mal à comprendre aussi, c'est comment. Aujourd'hui, on a des jeux magnifiques, c'est ça l'histoire. On a des jeux magnifiques, et il y a beaucoup de joueurs qui ont passé la trentaine sur ces consoles-là qui retournent aux anciens jeux. Comment toi, tu peux expliquer ça finalement? Moi, c'est purement nostalgique. C'est vrai que techniquement, on peut avoir des jeux magnifiques. Ça en fait pas moins que le jeu peut être chiant, quoi, en fait. Ça s'explique pas, en fait, comment on ressent le jeu. Et à l'époque, ben, c'était des petits jeux tout cons, mais voilà, on s'éclatait. Je vois hier encore, parce que j'ai souvent mes petits neveux chez moi. J'ai sorti le Super Smash Football sur la GameCube que je mets sur la Wii, que je passe sur la télé HD. Et on a joué avec les petits neveux, on a passé 2 heures et on s'est éclaté. Ça veut rien dire en fait. Ça reste des super jeux à jouer. J'ai même un bar top, j'ai jamais montré, mais j'ai un bar top avec tous les vieux trucs et tout. Je joue assez régulièrement dessus. C'est vrai que. Ben, je retrouve des jeux d'arcade qu'à l'époque je pouvais pas spécialement me payer. Ah oui. Voilà, Ah c'est oui, parce on a tous que. connu Opération Wolf avec la mitraillette qui vibre. Ouais, c'est ça. 5 francs 30 secondes. Ben voilà, c'est ça, c'est beaucoup trop cher. Donc là, je découvre. Voilà, mais je manque de temps. Clairement, je manque de temps, mais j'ai tellement envie de découvrir tout ce que j'ai pu rater dans ces jeux-là, parce qu'il y a vraiment des pépites, et même mes petits neveux, tu vois, qui ont 11 et 14 ans, ça leur arrive d'aller sur le bar top et de jouer à des 1942 ou des choses comme ça. Donc ça fait vraiment plaisir de voir ça, quoi. Ah oui, c'est des jeux Et là, pour le faciles. coup, on n'est pas sur de la nostalgie, quoi. C'est juste parce que c'est des jeux qui sont super sympas, qui sont faciles à prendre en main, et puis voilà, quoi. Ah, tout à fait, hein. C'est du fun rapide. Il C'est ça. n'y a pas toute cette cinématique qu'on a aujourd'hui qui, comment dire, nous ralentissent dans notre fun. Parce que moi, je suis content d'une chose pour aujourd'hui, c'est qu'on a encore la Switch, entre guillemets, de Nintendo, qui nous reste un peu dans cet esprit fun rapide. Alors que tous les jeux PS4, PC aujourd'hui, Xbox, c'est plus, comment dire, c'est plus dans l'esprit RPG aventure, simulation. Il y a très peu de choses où tu peux jouer rapidement, faire une partie en 5 minutes, il y a des chargements et tout, enfin c'est. Ouais, des patchs énormes. Ah, les Enfin, mises à jour, oui. moi qui ai une petite connexion, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal avec ça. Et c'est pour ça que c'est vrai que la Switch, c'est ma console sur laquelle je joue le plus. Hein, Ah ouais, on est d'accord, hein, ça, il y a beaucoup de joueurs comme ça qui adorent cette console, rien que pour ça. Mais de toute Et puis ils font manière. une belle place, je trouve, tout ce qui est à jeu indépendant et tout ça. Donc Ah oui. pour ça, ils sont super. Il y a plein de démos, donc on peut tester plein de trucs. Et ça, j'aime beaucoup pour ça la Switch. Hein. Ouais, mais c'est vrai que Nintendo, après je sais pas si toi tu préférais Sega ou Nintendo quand tu étais plus Ah. jeune. T'étais plus quoi toi? Si tu veux, on va rapidement. Je vais rapidement faire un petit peu ma vie de joueur, on va dire. Ouais. Parce que moi, j'ai commencé. Je commence à avoir de la bouteille. Hein, je suis né en 73. Donc j'ai commencé à jouer avec un Pong en 78 ou 79, je sais plus trop, Ok. où on avait juste deux bâtons qui se battaient et qui renvoyaient un pixel. Ouais. Donc ça, c'était délire. Pour l'époque, pour moi, c'était fou. J'avais 6-7 ans et c'était incroyable. Après, je suis parti en Allemagne. J'ai vécu en Allemagne pendant 7 ans presque, pendant 5-6 ans. Et là-bas, en fait, j'ai découvert les Game & Watch. D'accord. Et ça, c'est un truc que je regrette de ne pas avoir gardé maintenant, parce que j'aimerais tellement retrouver mes Game & Watch. Et déjà à l'époque, tu vois, j'avais, ouais, je sais pas, j'avais 8-9 ans. Je collectionnais déjà. C'est-à-dire que les Game & Watch, j'en avais, mais genre une bonne quinzaine à mon âge, tu vois. Ouais. Pour l'époque, c'était assez énorme. Et déjà, je collectionnais les Game & Watch. Et après, j'ai eu un énorme. On va dire. J'ai eu pas mal de trous parce que bah, j'ai beaucoup voyagé. J'ai vécu en Afrique. Donc là-bas, bah, y avait pas, on ne trouvait pas à l'époque. On trouvait pas du tout de jeux vidéo. Hein, mais j'avais un Amstrad CPC 464 avec la cassette. Ouais. C'était assez énorme. Et déjà, à l'époque, j'achetais beaucoup de jeux. Ensuite, je suis passé à l'Atari ST. Mais du coup, tu étais plus acheteur ou pirate au niveau Alors, des échanges? quand j'étais en Afrique avec l'Amstrad, c'était énorme parce que c'était des cassettes. Ouais. Et il y avait un magasin, j'étais au Sénégal à Dakar, et il y D'accord. avait un magasin sur la place de l'Indépendance, là, et le mec il vendait que de l'Amstrad, mais alors à des prix exorbitants. Ouais. Et du coup, moi ce que je faisais, c'est qu'à chaque fois que je rentrais en France, j'allais le voir, je lui dis, tu veux quoi comme jeu? Et il me disait, bah ouais, j'aimerais bien ça et tout. Donc je lui prenais les jeux, mais entre les deux, bah, je faisais des copies avec un magnétoscope, un D'accord. magnétophone double cassette, tu sais. Ouais, bien sûr. Tu faisais, tu enregistrais en fait, et je copiais déjà les jeux à l'époque, et après je lui revendais au prix que je l'avais acheté, quoi. Et lui, il était content parce qu'il ne payait pas les douanes. Enfin bref, c'était un peu du black, quoi. Et D'accord. c'était assez marrant. Et après, je suis passé à l'Atari ST. Et là, par contre, c'était vraiment de la collection, mais de pirates, quoi. C'était que des. J'avais quasiment que des jeux piratés. Et il y avait des Donc. superbes jeux, je me souviens à cette époque. Ouais, Ah, t'as connu c'est vraiment. les jeux Delphine Software avec Ouais. bah, tous les point and click hein, qui sont vraiment géniaux. Ouais, des super jeux. Même, je me rappelle les bars qu'on faisait avec les potes sur des petits jeux, genre Super Sprint, où on était à 15 sur le clavier, là. C'était complètement hallucinant, c'était génial, il y avait juste deux touches, mais alors qu'est-ce qu'on se marrait, on pouvait jouer à 6, c'était énorme pour l'époque. Et après, en fait, après j'ai eu un espèce de passage à vide, c'est-à-dire que j'ai tout ce qui est Master System NES, Ouais. j'ai pas que du tout. À l'époque, j'en ai jamais eu. Par contre, j'avais tout ce qui était console portable, pas la Game Boy, mais j'ai eu la Game Gear. J'ai eu l'Atari Lynx, j'ai eu pas mal, j'ai eu la Neo Geo Pocket aussi, que j'ai Ouais. toujours d'ailleurs. Et la Je Lynx, compte. combien de temps tu l'as gardée? Tu l'as encore ou pas? Je l'ai toujours, ouais. Ah, Je d'accord. l'ai toujours. Et elle fonctionne Ouais. de quelle manière? Ça va ou je veux dire, Alors, elle tient le coup? à mon avis, elle fonctionne plus. D'accord. Je l'ai pas relancée, mais à mon avis, elle fonctionne plus. J'ai pas remis de pile ou quoi, mais il faudrait que je la teste. Parce que c'est vrai que je sais que c'est des trucs qui ont du mal à résister à autant, hein. C'est comme la Game Gear, à mon Ouais. avis elle fonctionne plus non plus. Je l'ai pas essayé, mais je voudrais pas être déçu, mais je pense qu'elle ne fonctionne plus non plus. Les transistors ont tendance Il y a beaucoup à de gamers s'abîmer. qui... Oui, ça abîme. Les gamers, ils changent souvent le rétroéclairage. Ils mettent un nouvel écran à la Ouais. place. Ouais. Ouais, j'ai vu que maintenant on pouvait mettre des nouveaux écrans carrément même, hein. C'est ça. Et ça a l'air super sympa, et donc ça c'est dans mes projets. C'est de retrouver ma Game Gear parce que j'aimais bien. Bon, malgré que c'était une portable mais qu'il fallait jouer sur secteur, sinon on jouait pas longtemps. Mais voilà. Et après, bah, j'ai acheté la Mega Drive et la Super Nintendo. J'avais les deux parce que je D'accord. travaillais déjà en fait. D'accord. Donc j'avais les moyens de me payer les deux consoles. La Mega Drive, je l'avais acheté, si mes souvenirs sont bons, parce qu'il y avait Alone in the Dark dessus. Sur Mega Que je trouvais. Drive? Il me semble, ouais. Ouais, je l'avais acheté pour ça. Je suis pas Pas certain. ça. Another Excuse-moi. World, tu veux dire? Another World. C'était D'accord. Another Ouais, c'est marrant parce que je me suis dit il Complètement dingue. voulait dire Another World, je pense. Another World, ah, Ouais. carrément. Je l'avais acheté exprès pour ça. Et au final, j'ai pas eu tant de jeux que ça dessus. J'en avais quelques-uns, tout ce qui était des Art Strike que j'adorais, les Jungle Strike, que j'ai toujours, hein. J'ai gardé tous mes jeux. J'ai revu aussi votre podcast où vous parliez du NHL Hockey. Ah, d'accord. Mais j'avais kiffé ce jeu, mais j'y ai joué pareil. Sauf que moi, c'était le NHL PA, ok, un truc comme ça. D'accord. Ce jeu, j'y ai joué tellement, c'était tellement du fun à l'époque. Ah oui. Tellement moins compliqué que ceux de maintenant. Et ouais, si j'ai eu quand même que. J'ai joué pas mal sur la Mega Drive. Et la Super Nintendo, je l'ai acheté pour Donkey Kong Country. Donc tu vois, je l'ai pas eu. Tu l'as pas eu tout de suite, toi. Pas tout de suite du tout. Je l'ai même eu plutôt vers la fin. Et j'ai eu très peu de jeux là-dessus. J'ai eu Donkey Kong Country et puis peut-être l'ISS que j'adorais. Ça, c'est Ouais. pareil. Qu'est-ce que j'ai passé comme journée à jouer à ISS? Et le super, le Street Fighter Prime, quoi, le Street Fighter 2 Prime, voilà. Je crois que c'est tout ce que j'avais sur la Super Nintendo. Ah, en Voilà. effet, ouais. Mais donc en fait, t'étais plus à la base quelqu'un qui appréciait, on va dire, Sega dans Ouais, l'esprit. j'étais plutôt Sega, ouais. Ouais, j'étais plutôt Sega, ouais. Et qu'est-ce qui te Je sais pas. rebutait en fait chez Nintendo? C'était plus le côté enfantin ou le prix aussi qui était plus élevé, je pense, peut-être des. Franchement, je saurais pas te dire pourquoi. Voilà, je sais que c'est les jeux qui m'ont attiré. À chaque fois, c'est les jeux qui m'ont attiré, quoi. J'avais Flashback aussi, bah, tu vois, la suite Ouais. de Otherworld sur la Super Nintendo. Mais après, en fait, je l'ai acheté très tard, hein, cette console, parce que je sais pas, c'était. Mais Donkey Kong Country, je sais plus en quelle année il est sorti. Mais si tu. 94. Bah voilà, donc si tu regardes bien derrière, bah il y a eu la PS1 qui est arrivée très rapidement, quoi. Ouais, c'est vrai que pratiquement au Japon, elle est sortie en fin d'année, et puis l'année d'après, c'était en Europe avec tous les gros titres qui arrivaient, Wipeout et tout ça, qui ont C'est ça, balayé. exactement. Bah, moi, c'est un peu pareil, hein, quand j'ai eu la. Je l'ai acheté Day One, moi, la PlayStation, Ouais. donc ouais, c'est. Ouais, Ouais. t'avais revendu une console pour te l'acheter ou Non. t'avais tout gardé, non? J'avais tout gardé. Ah, Non, non. d'accord. Mais du coup, et toi, est-ce que t'es le genre de personne à avoir encore, par exemple, un Zelda avec la carte Bah, pas du d'Hyrule à tout, parce que. l'intérieur et tout? Pas du tout, parce que je Non? l'ai pas acheté à l'époque. Ah, Mais non, d'accord. non, non, non. Parce que je sais que t'as certains collectionneurs qui vont te sortir un Zelda de la NES, tu sais, avec la carte aujourd'hui et enfin tous les petits Ouais. trucs. C'est quand même dingue, des gens qui ils sont arrivés à être méticuleux, précieux quand ils étaient jeunes, à 10, 11 ans, ou peut-être plus tard. Et avoir encore cette boîte-là, c'est Carrément. hallucinant, quoi. Mais moi, j'ai gardé très peu de trucs de l'époque, hein, à part les bah, quelques jeux Game Gear et mes jeux Mega Drive, j'avais plus rien de l'époque. Et mes Neo Geo Pocket. Qui valent une petite blinde, j'ai vu ça. Bah ouais, c'est assez Ouais. hallucinant parce que je sais pas si tu te souviens, la Neo Geo Pocket quand elle est sortie, Ouais. bah franchement, personne la regardait pratiquement, elle était mal vue Oh quoi. là là, mais moi, j'ai craqué tout de suite, moi. Ah ouais? Ah, mais c'était une console de fou pour moi. Ah ouais. Ah, j'ai adoré, hein. J'ai acheté pas mal de jeux à l'époque, que j'ai toujours d'ailleurs. Ouais. Donc ça, non, c'est. J'ai adoré cette petite console, le stick était tellement bien. C'était tellement bien comme stick par rapport aux autres. Bah, tout ce qu'on avait avant où c'était des pads Oui. normaux, quoi. C'est des pads bidirectionnels. Là, on avait un stick sur une portable, c'était exceptionnel. Ah non, non, j'ai adoré cette petite console. Et toi, au niveau de ta collection, quel genre de jeu tu as favorisé durant tes achats? Alors, au début, bah, c'est comme tout le monde. Parce qu'en fait, la collection, je l'ai reprise que là, voilà, il y a 2 ans. Hein. Au début, bah, tu pars dans tous les sens parce que tu veux tout. Ah. C'est ça. Le souci, c'est ça. Hein. C'est que quand tu commences une collection, bah, t'as plein de trucs que t'as pas, que tu veux. Donc je suis parti vraiment dans tous les sens. Mais est-ce que par exemple, pour toi, c'était une obligation d'avoir certains titres qui sont évalués à une certaine cote aujourd'hui, ou alors tu fais pas attention à ça, tu vas prendre des jeux qui te font plaisir à toi, et tu vas pas chercher un mouche à l'est à tout prix, par exemple, tu vois? Alors, je cherche pas les jeux pour la cote. Ça, c'est clair et net. D'accord. Là, maintenant, je commence un peu à voir où je veux aller. Parce que moi, j'ai pas de limite. Hein. Je suis joueur, mais c'est vrai que je suis aussi très collectionneur. C'est-à-dire que ça me fait pas peur, tu vois, de me lancer dans des full sets parce que c'est de la collection. Alors, je sais que c'est beaucoup de collectionneurs. Et du coup, je les appelle pas vraiment comme ça. Je parlerais plutôt de gros joueurs qu'on prenne pas, qu'on puisse se lancer dans des full sets parce que effectivement, ça fait plein de jeux d'obic et même des fois qu'on paye une fortune alors qu'on n'y jouera jamais en fait. Hein. Ah, surtout, Mais ouais. moi, je suis. C'est vrai que je suis très très collectionneur et je me lance en fait dans le truc de vraiment d'avoir des collections mais complètes. J'ai pas de souci de place. Donc ça me fait pas peur de me dire ben au final ma collection si je la voyais dans l'idéal ce serait vraiment d'avoir des full sets déjà de tout ce qui est PlayStation. D'accord. Donc c'est assez énorme hein, Ah mais oui, je bah m'en rends oui. compte. Mais après c'est pas un objectif on va dire je suis pas à fond là-dedans, je vais pas me ruiner pour ça, hein, je vais y aller à mon rythme. Mais Voilà, si je pouvais tendre vers ça, ça serait déjà pas mal. Et tout le reste, toutes les autres consoles, en fait, j'essaye d'avoir tout ce qui est exclusivité, en fait. Toi, D'accord. pour les Wii, GameCube, tout ça, je ne cherche que les exclusivités. D'accord. Et est-ce que tu préfères les éditions collector ou tu vas préférer prendre un Non. jeu simple? Non, non, je prends les jeux simples. D'accord. C'est vrai qu'il y a quelques éditions collector sur PS3 à un moment donné qui sont sorties qui étaient vraiment. Enfin, pas vraiment sympathiques parce que je me souviens de, par exemple, Conquerax, là, qui avait parlé des pires arnaques d'éditions collector comme Uncharted ou des choses comme ça. Finalement, les gros jeux n'avaient pas eu forcément des éditions collector génialissimes. Je trouve que c'était plus sur la Xbox que Microsoft avait fait des trucs sympas. Si je me souviens sur. Comment ça s'appelait? Halo. Ils avaient fait, tu sais, le casque Oui, tout à fait, qui était vraiment sympa. Mais sur PS3, il y a la fameuse édition Castlevania aussi sur PS3 qui était sortie que en Suisse et en. Avec une série qui avait été retirée du marché à un moment donné, il y a une histoire avec ça, mais qui était pas trop mal. Mais sinon, c'est vrai que édition collector, finalement, je peux comprendre. Mais c'est marrant parce que tu sais, sur cartouche à l'époque, ce qu'on appelle édition collector aujourd'hui, bah, à l'époque, il y avait pratiquement tout à l'intérieur. Quand tu achetais un Shining Force, quand tu achetais un Phantasy Star, bah, à l'intérieur, tu avais les maps, Exact, les modes d'emploi, il y avait tout. on avait des modes d'emploi énormes. Ah ouais, non, mais moi par exemple, si tu veux, je me suis racheté les Phantasy Star en version japonaise sur la Mega Drive pour avoir les modes d'emploi et les cartes. Ouais. Parce qu'ils coûtent beaucoup moins cher, hein, faut dire la vérité, que Oui, c'est vrai. version PAL. Et t'hallucines, quoi, la qualité du papier de l'époque, c'est. Même C'était Sonic. fou. Ouais. Sonic en japonais, je sais pas si tu les as en version japonaise Non. sur Mega Drive. C'est largement meilleur que la version PAL, hein, ce qu'ils ont fait au niveau du mode d'emploi, du design. C'est une petite bande dessinée cartoon à l'intérieur et tout, un peu comme ce que tu as sur F-Zero sur la Super NES, tu vois. Ouais, mais ça, on l'avait souvent, hein, des petites bandes dessinées, des choses comme ça, dans les notices, ouais. Ouais. Bah, si toi tu es fan de Flashback comme moi, par exemple, il y a la version US de Flashback sur Mega Drive qui s'appelle Quest for Identity en version US et à l'intérieur t'as un mode d'emploi basique plus une BD qui avait été offerte à l'intérieur avec un petit c'est 4-5 pages hein, minuscule hein, mais Ouais. ça te met un peu dans l'ambiance du jeu quoi et c'est pas mal du tout Ouais, c'est vrai, ouais je fais pas du tout d'import en fait. ah Je tu mets prends pas que du du tout. PAL toi voilà. Ouais, j'ai que du pal, ouais. C'est étonnant parce que finalement, au niveau du design, du coup, tu favorises pas ce qui se fait au Japon ni en Amérique. Pas du tout. Ouais, C'est non. Je sais dommage, que c'est hein? très joli, hein, Ah oui. mais moi je suis vraiment collectionneur de jeux en fait. C'est pour ça que quand tu me demandes collector ou simple, moi le simple ça me suffit parce que j'ai le jeu. D'accord. Moi ce que je veux, tu vois, c'est avoir le jeu. Je suis pas collectionneur d'objets, je suis plus collectionneur de jeux, quoi. D'accord. Non, mais c'est intéressant de voir la différence, la nuance que tu mets à ça. Ouais. Et est-ce que toi, tu te souviens du premier jeu qu'on t'a offert? Le tout premier, que ça soit un Game & Watch ou que ça soit. C'est peut-être Pong, je sais pas. Ah bah c'est Pong en fait, hein, parce que c'était ma première console. C'était une console, hein, parce que Ouais. t'avais pas de cartouche, t'avais rien du tout. Et je me rappelle qu'à l'époque, je bavais dans les Atari 2600 des petites cousines parce que t'avais des cartouches et qu'ils pouvaient changer les jeux. C'était incroyable pour moi. Mais après, ouais, non, c'était le Donkey Kong que j'ai eu sur Game & Watch, le orange là, en double écran. Et Ah oui. qu'est-ce que j'ai pu jouer à ce Donkey Kong là? C'était ça. Voilà, typiquement le Game & Watch que j'aimerais retrouver parce que bah voilà, c'est pour moi, c'est beaucoup de souvenirs, quoi. Ben, je crois que je l'ai vu de temps en temps sur eBay autour Ouais, on le voit de. passer. Je sais pas, ça me semblait autour de 90-100 euros, mais je suis pas Ouais. certain non plus du prix, mais. On le trouve même, ouais. Ouais, ça, dans ces eaux-là, c'est plus le. Bah moi, tu vois, pour parler du Game & Watch, j'avais le Donkey Kong, que je sais pas, il est parti dans un déménagement sûrement à une époque aussi. Ouais. Et j'avais le Pac-Man jaune Game & Watch, qui était jaune, tout plat, avec un petit cache pour l'écran, en Oui, je fait. vois. Ouais. Et celui-là, pareil, impossible à retrouver, hein, je pense. Ouais, c'est compliqué. Si. J'avais un Zelda aussi, je crois, en double écran. Je crois que c'était un Zelda, hein, qui Ouais. était un peu vert. Ouais, il me semble que c'était un Zelda. Peut-être. Ouais. Est-ce que combien à peu près de jeux tu possèdes? Est-ce que ça tu t'attaches au nombre ou tu t'attaches plus à la collection, comment dire, par rapport à une console? Tu comptes pas forcément tous les jeux que t'as? Alors, si, parce que j'utilise l'Udexo, malheureusement, qui est en train d'être apparemment de disparaître, parce qu'elle ne marche plus du tout depuis 2-3 semaines. Ouais. Et si, je comptabilise tous les jeux. Cette application était vachement bien parce qu'elle nous permettait de rentrer facilement les jeux par console, en fait. Et c'était super bien. Malheureusement, j'ai l'impression que c'est un petit peu la fin, parce qu'on peut plus rien rentrer, on peut plus rien faire dessus. Et j'étais à plus de 2100 jeux, je crois, un truc comme ça à la fin. D'accord. Et est-ce que Mais chez toi, comme tu dis, t'as la place pour tous les afficher, ou il y en a, ou que tu mets un peu derrière les autres, on manque de place? alors pour l'instant, j'ai qu'une pièce qu'on voit dans mes vidéos, en fait, ce qu'on voit derrière moi, en fait. D'accord. Et j'ai une deuxième pièce qui est en cours de travaux, en fait. On est en train de la faire complètement parce que j'habite une vieille maison que j'ai retapée. D'accord. Et où là, je mettrai essentiellement tout ce qui est ce que je disais, tu vois, à partir de en dessous de PS3, quoi. D'accord. Donc, tout ce qui sera en dessous de PS3 sera dans l'autre pièce. Et donc, pour l'instant, tout ça, effectivement, c'est pas présenté. D'accord. Et pour toi, dans le futur, comment tu vois ton évolution par rapport à ta collection? Est-ce que tu vas t'arrêter à un moment ou tu vas chercher plus quand tu auras terminé ton, par exemple, un full set sur une PS1, je sais pas. Si je vais m'arrêter, je pense pas parce que je pense que j'arriverai jamais à avoir tout ce que Ah oui, bah oui. je Ça arrête pas de je me fais sortir tout le temps. pas ouais c'est ça, je me fais pas d'illusions. Et puis je joue aussi pas mal aux générations de maintenant, hein, tout ce qui est PS4, je joue beaucoup à la PS4 aussi, hein. Ouais. Non, je pense pas que je m'arrêterai un jour. Après, on peut pas dire, hein. Avant, j'étais je faisais du Lego, en fait. D'accord. Il y a quelques années, je me suis dit 300 balles que je mettais par mois dans les cigarettes et qui partaient en fumée. Je me suis dit, c'est complètement ridicule. Et du coup, je me suis mis à acheter des Lego pour 300 balles par mois. Et D'accord. j'ai commencé à faire une grosse collection de Lego. J'ai fait pas mal d'expositions. J'en ai même organisé Ouais. Dans le Lego, quoi. C'est sympa Et ça. voilà. Ouais, c'était sympa. Sauf l'univers a commencé à me gaver un peu. Ça Trop commençait à devenir formaté un petit peut-être. peu. Ça commençait à devenir malsain, en fait, tout ce qui Ouais. était exposition et tout ça. On avait l'impression qu'ils voulaient faire ça uniquement pour l'argent, alors que moi, au début, je faisais ça pour m'amuser, quoi. Et donc, j'ai décidé de tout arrêter du jour au lendemain, toute ma collection de Lego. D'accord. Et puis, c'est pour ça que je l'ai énormément. J'en ai revendu énormément. Et c'est ce qui m'a permis de monter aussi vite à 2000 jeux, en fait, parce que voilà, faut pas se leurrer, en même pas 2 ans, avoir 2000 jeux, c'est énorme. Ouais, Et bah oui, bah oui. c'est grâce justement à la revente de tout ce qui était Lego, plus toujours mon budget de 300 balles que je mets toujours tous les mois. Donc c'est vrai que ça monte assez vite comme ça, et j'ai toujours encore plein de Lego à vendre. Donc voilà, c'est la collection, elle va vite, je pense encore pendant une bonne année, je pense qu'elle va monter assez rapidement. Et après, ça va forcément se calmer parce qu'il y a des trucs que je chercherai plus. Tu vois, si je regarde par exemple sur la GameCube, ma liste d'envie, j'ai plus que 53 jeux à trouver. Tu vois, D'accord. typiquement, pour Non. moi, 53 jeux, c'est que dalle, quoi. En plus, la GameCube, je trouve que c'est une console, sincèrement, c'est largement abordable hein, par rapport à Ouais. comment dire, un full set Super NES ou quoi, ou qui coûte des Ah blindes. ouais. Là, c'est Ouais, GameCube, t'as plein de bons carrément. jeux, hein, pas cher encore. Hein. Ah ouais, il y a vraiment des très très bons jeux. J'étais Ouais, étonné, regarde juste le prix des Zelda et puis de Mario Kart ou des choses comme ça. Non, mais carrément. Ces jeux-là, tu vas les payer je sais pas combien en bon état sur la Super NES, et là, c'est pratiquement la moitié, c'est assez sympa. Ah ouais. Mais Mais moi, pour tout ce ouais. qui est Super NES, je cherche pas les boîtes, hein. Ouais, bah on Comme est je te disais, d'accord. moi, Voilà, c'est il me faut le jeu. Ce qui englobe le jeu, ça m'intéresse pas, mais si j'ai le jeu, ça me va. Donc D'accord. toutes ces cartouches N64, SNES, je ne prends que des jeux en loose. Mais toi, D'accord. c'est pas des consoles que je vise pour l'instant. D'accord. Je suis pas dans quand j'en trouve, j'en achète. Mais quand j'en trouve, je veux dire dans les vide-greniers ou des choses comme ça. Mais je suis pas dans la recherche. Là, actuellement, bah, j'étais sur le full set Wii U que j'ai quasi terminé, hein, puisqu'il me manque plus que le Cabela. D'accord. Donc celui-là, je pense que je l'aurai peut-être jamais. Puis, parce que j'ai une espèce de limite. Hein, j'ai entendu Il est une à de vos combien vidéos. actuellement, par exemple? Il n'est pas parce qu'il y en a pas en fait. D'accord, ok. Tu C'est vois, je. introuvable, c'est comme les Schtroumpfs sur Master System là, autour Voilà, du monde. c'est. Du coup, je sais pas comment je réagirais le jour où il y en a un qui va sortir, quoi. Je sais pas quelle. Non, mais je sais pas quelle limite je vais me poser. Je vais peut-être me dire, attends, 200 balles, c'est ridicule pour ce jeu. Ridicule, parce qu'il est pas bon. Enfin, c'est de la chasse, c'est pas un truc qui m'intéresse, quoi. Donc, je sais même pas si je franchirais le cap d'aller le chercher alors que c'est le seul qui manque dans la collection. J'ai une espèce de limite comme ça, Je dans. comprends. Ouais. Je comprends. Ça m'est Il y a des arrivé jeux. aussi. Ouais. Après, peut-être, je sais pas, peut-être je craquerai si j'ai l'argent à ce moment-là, ou je sais pas, mais pour l'instant, je me vois pas payer un jeu comme ça plus de 100 euros, quoi. Là, donc, je préfère être patient et me concentrer sur d'autres consoles, en fait. Là, typiquement, j'estime que j'ai fini la Wii U, et c'est vrai que je suis un peu plus sur le GameCube actuellement, quoi. Et toi, comment tu juges? Est-ce que pour toi, tu achètes par rapport à des collectionneurs qui ont certains autres jeux? Ou comment tu les vois, ces collectionneurs qui amassent beaucoup de choses sans forcément y jouer? Toi, tu es un joueur. Mais comment tu expliques que certaines personnes vont même acheter des jeux sous plastique sans jamais y jouer? Est-ce que pour toi, c'est cohérent ça? Alors, pour moi, après, chacun voit sa collection comme il l'entend. D'accord. Toi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, des gens ne comprennent pas pourquoi on fait un full set. C'est de la collection, ça s'explique pas. Il y a des mecs qui collectionnent des capsules de champagne. Enfin, je veux dire, pour tout à chacun, on va tous dire que c'est ridicule de collectionner ce genre de truc. Donc, avoir une collection de jeux blistés, de mon point de vue, ça n'a aucune logique parce que moi, ce que je veux, c'est les jeux. Limite, si j'avais des empilements de CD, ça me suffirait, moi. C'est du moment que j'ai les jeux, tu vois. D'accord. Bah, je juge pas parce que chacun son truc, mais c'est pas moi, du tout mon objectif. Moi, tout ce qui est blister et tout ça, combien de fois j'ai déblisté des trucs en vidéo parce que bah, quand je fais des comptes rendus sur ma chaîne, je fais une fois par semaine un compte rendu d'achat. Si je reçois un truc qui est blisté, bah, je l'ouvre. D'accord. Et Ouais. parce que je ne vois pas garder des jeux blistés dans ma collection, je vois pas l'intérêt. Les jeux, c'est fait pour être joué, c'est pas fait pour être voilà, c'est Non, on est entreposé même. d'accord. Ouais. Moi, ce qui m'est arrivé, même pour te dire à quel point les vendeurs que j'ai pu croiser sur eBay aux Pays-Bas ou en Allemagne s'intéressaient pas forcément à la valeur. J'avais acheté des jeux d'occasion, pas forcément notés sous blister ou quoi, mais m'ont envoyé les jeux en fait sous plastique d'époque. J'ai reçu un Fatal Fury spécial Super Famicom. Tu me diras, la cote est pas énorme, hein. Mais il était sous plastique. Mais moi, comme je suis un gamer et que je voulais l'avoir pour jouer, je l'ai ouvert. Et après, Bah oui. j'ai vu un collectionneur s'amuser à ouvrir que le haut pour le Oui. refermer au moment où il allait en le revendre. J'ai fait, ah, c'est Ouais. pas bête. Y a pas mal de gens qui font ça, ouais, qui gardent le blister autour. En plus, c'est vrai que pour le coup, ça les abîme moins d'être peut-être sous blister, on va dire. Ah, on est d'accord. Mais je ne sais pas si tu as remarqué ça aussi, mais quand tu achètes. Après, je ne sais pas si toi, tu as commandé des jeux au Japon sur quelques plateformes que ce soit. Mais Ouais, juste les Asia, ouais. les vendeurs japonais sont largement plus minutieux et ils font attention à ce qu'ils possèdent depuis des années. Alors que les vendeurs européens, je ne sais pas ce que c'est le problème, mais la boîte est défoncée. Le jeu, des fois, il est oxydé à un point, c'est une catastrophe. Enfin, je comprends pas la manière dont la culture en fait en Europe du jeu vidéo, c'est un peu un objet jetable, t'as eu l'impression à un moment donné. Moi, je pense que les Japonais aussi ont une culture très particulière. Je pense que c'est plus leur culture qui fait qu'ils prennent soin de leurs affaires Ouais. et je pense que c'est pas qu'avec le jeu vidéo qu'ils font ça, hein, parce que moi je regarde pas mal de trucs où des gens vont acheter des choses là-bas et c'est vrai que tu regardes, c'est même les, c'est pas que les jeux vidéo, c'est aussi les jouets, c'est aussi les statuettes, enfin c'est tout hein, qu'ils gardent précieusement. Et c'est assez marrant d'ailleurs de voir les magasins, parce que bon, j'ai cru comprendre que toi tu avais déjà été Sur au Japon. Ah non, moi je suis pas allé au Japon, mais si tu veux, moi je suis en relation avec j'ai des amis D'accord. d'enfance qui ont ouvert des boutiques sur République et à Paris, et Ok. j'ai connu en fait leur évolution petit à petit, leur projet, etc. C'est des gens qui se sont tout de suite intéressés à ce qu'il y avait en import au Japon au bout de 2-3 ans qu'ils avaient Ouais. leur boutique. Et aujourd'hui, bah, sans mentir, c'est les seuls rescapés qu'il y a sur l'avenue depuis 96. Parce que t'as beaucoup de boutiques qui ont fermé. Après, toi, je sais pas si tu connais le quartier. T'es de quelle Non, j'y région, en suis jamais fait? allé. Ouais? Moi, je suis en Bretagne, T'es en moi. Bretagne, d'accord. Après, j'ai vécu 15 ans à Paris, mais j'ai à ce moment-là, j'étais pas trop dans le. J'étais pas du tout dans le. C'est toute la période où j'ai un peu décroché D'accord. de tout ce qui était console, parce que je jouais, bah, du coup, Paris, bah, je jouais sur PC, quoi. Parce D'accord. que par manque de place, c'est vrai que je jouais énormément sur PC pour tout ce qui était Battlefield et compagnie. Ouais. Mais voilà, là c'est toute ma période où j'ai décroché des consoles, tu vois, tout ce qui est GameCube, N64, tout ça c'est une période où j'ai quasiment pas eu de jeu. La PS2 par exemple, c'est une console que j'ai pas connue du tout. D'accord. À ce moment-là, je jouais pas du tout sur console, j'étais plus sur le PC. Mais c'est pas mauvais pour toi parce que les problèmes de lentilles au début de la PS2, c'était une cata. Donc Bon, après maintenant on en trouve à tous les coins de rue, donc ça va, c'est plutôt pas mal, mais j'ai vraiment du mal à me mettre à cette console. C'est vrai que je la trouve. Enfin, j'aime pas du tout, en fait. Là, je peux comprendre, je peux comprendre. Moi, Ouais. je me souviens, ce qui me rebutait sur cette console, c'était la qualité de l'image qu'on avait en Europe Ouais, c'est avec ça. les ralentissements, l'écrasement avec les bandes noires. Il fallait à tout prix se procurer le jeu en version US pour certains jeux de combat, certains jeux d'aventure. Après, t'as des jeux qui ont été refaits en version PAL qui étaient sortis avant, enfin, sur la version japonaise qui était moins bien, etc. Mais c'était assez rare. En général, on se faisait un peu avoir sur la qualité. Un truc tout bête, hein, Devil May Cry, quand tu y jouais en version Ouais. PAL, c'était une catastrophe. Enfin, pour les gens qui avaient joué à la version 60 Hz, quoi. Donc, Ouais, c'est ça, ouais. y a plein d'exemples comme ça, hein. Mais Mais toi, bon, c'est ouais. une console que j'apprécie pas plus que ça et que je connais pas plus que ça, parce que je l'ai raté. Et pourtant, c'est la console sur laquelle j'ai le plus de jeux, parce que on en trouve, mais alors par paquet de 12 tous les week-ends sur les vide-greniers, quoi. Ouais. Et Et toi, les on derniers s'achète. vide-greniers que t'as fait en Bretagne, ça a été fructueux ou pas, non? Assez. Assez, ouais. Assez, ouais. Ouais. Il y a Je encore dois des avouer gens qui vendent que. des bons jeux. J'avoue que, ouais. J'avoue que, ouais. Et tous les week-ends, on se dit, ouais, on va rien trouver et tout ça. Et puis, en fait, on se rend compte qu'on trouve toujours. On arrive toujours à trouver des trucs sympas. Ça m'arrive, cette année, je suis tombé déjà sur un collectionneur qui se séparait de sa collection. Ah bah ça c'est Donc, génial. là, c'était vraiment génial parce qu'il m'a sorti des jeux que je cherchais. J'étais super, super content. J'ai eu un gros gros coup de bol avec une Master System. Ah ouais. Énorme coup de bol. C'est un truc C'est de. la première version à carte ou la noire, la deuxième Non, la deuxième. D'accord. La deuxième. Un truc complètement dingue. Le mec, en fait, je me promenais et puis il y avait un espèce de ratisseur revendeur là qui était là, donc du coup je me pressais pour passer avant lui, quoi. Ouais. Et puis j'ai aperçu le laser en boîte de la Master System. D'accord. Donc j'ai tiqué sur la boîte du laser du pistolet là, et je dis tiens, mais les carreaux là ça me dit quelque chose. Et à ce moment-là, enfin tu vois, ce jour-là, j'avais zéro jeu console 8 bits chez moi. J'avais D'accord. pas de NES, j'avais pas de Master System, j'avais rien. J'avais pas un seul jeu. Et je vois le truc. Et je dis au mec qui était en train de déballer. J'aime pas trop faire chier les gens qui déballent, mais il l'avait posé par terre. Je lui dis, je lui demande s'il le vend et tout. Il me dit, ouais, il nous vendait ça 16 euros, je crois, de souvenir. Donc déjà, c'était cool. Ouais. Et il me dit, ouais, et puis en plus j'ai des jeux. Ah, j'ai bah je peux voir et tout. Donc il me sort les jeux avec, je sais plus, il y avait 3-4 jeux, il me les faisait à 2-3 euros pièce. D'accord. Enfin, en genre, je crois que ça, on arrivait à 24 ou 26 euros, je sais plus, avec les jeux et le pistolet. Et puis là, il me dit, et j'ai la console. Et combien, bon, à combien? Je peux voir. Et puis il me sort la console dans sa boîte, en fait. Waouh. Ah, d'accord. Alors je dis ok, et puis je lui demande bah, combien tu fais la console et tout. Et le mec il me dit bah ça elle marche pas donc c'est cadeau. Oh. Et quand j'ai tu connais. Quand... Non, mais c'est ça, c'est que quand tu connais comment réparer une Master System, c'est tout bénef pour c'est toi. ça. Ben voilà, parce que moi j'avais vu des tutos sur internet et tout. J'ai dit attends, si ça se trouve, c'est juste le câble vidéo à la sortie qui est un peu déconnecté et tout. J'ai dit, bah écoute, je prends le lot, quoi. Et donc, il m'a filé le lot pour 26 ou 28 euros, je sais plus. Ça, c'était une misère. Mmh. Et il m'a vraiment offert la Master System en boîte. Ouais. Et mais c'est vrai que quand je suis rentré chez moi, j'ai été voir sur un eBay. La première chose que je fais, je dis, attends, mais la boîte seule. Coûte plus cher que la console. Déjà, elle était déjà à 50 euros, quoi. Ouais. Donc, j'ai dit, ouais, ça, c'est un coup. Voilà, là, t'es content d'être peut-être levé. Et au final, bah, c'était effectivement juste le cap vidéo qui était un peu déconnecté, que j'ai recevé. Et puis, la console, elle est repartie, quoi. Et le même jour, j'ai trouvé une NES à 10 balles. Donc, tu vois, je suis reparti. Le même jour, j'ai commencé la 8 bits. Ah, mais c'est. Moi, je trouve, bah, tu vois, il y a un truc tout bête. Hein, c'est que moi, j'ai commencé par la Mega Drive. Et je suis passé à la Super NES juste après, et en faisant beaucoup moins d'achats. Mais ce que j'ai kiffé le plus, eh bien, c'est les jeux NES et Master System. Parce que le fun, il était. Je trouvais vraiment les jeux à l'époque simples et. Tu te prends pas la tête, t'aimes bien un jeu, tu changes tout de suite. Enfin, c'est rapide, t'appuies sur Start, il n'y a pas de menu, il n'y a pas d'option, il n'y a rien à faire. Mis à part à certains jeux d'aventure comme Metroid et les autres. Mais par contre, la NES, faut qu'on se mette d'accord, la NES, quand tu en rachètes une, t'as intérêt de bien la restaurer parce que t'as beaucoup de soucis sinon avec le slot cartouche qui est souvent dans un état catastrophique. Ouais, oxydé, ouais. Ah, mais mon Dieu, j'ai enlevé du bleu, j'ai gratté du bleu dans tous les sens avec... Là maintenant j'en ai deux, c'est vrai que j'en ai deux et puis bah elles fonctionnent les deux donc j'ai de quoi faire. Hein. Mais pour rassurer les gens, les Master System, même si on vous dit elle marche pas, achetez-la parce que c'est tellement simple. C'est tellement simple à ressouder, c'est des soudures qu'on... C'est une soudure toute bête, il y a des tutos sur internet donc il y a vraiment. Soit les soudures ont cassé avec le temps, soit une résistance d'allumage qui coûte 50 centimes. Ah, c'est rien du tout, ouais. C'est des trucs incroyables, ça. Pour mon expérience, j'en ai réapparu deux déjà. Et, c'est vraiment une. Moi, je trouve la Master System, je sais pas si toi t'es d'accord après, mais la Master System en ce moment, c'est l'affaire à faire au niveau du rétro gaming. Les jeux, c'est moins de 10 euros en boîte avec la notice. J'ai jamais vu ça, moi. Et puis, comme c'est des boîtes plastiques, on les trouve plus souvent avec des boîtes, quoi. C'est ça qui est intéressant par rapport à toutes les boîtes cartonnées qu'on trouve plus du tout, quoi. Ouais. Après, ce qui est dommage, comme toi, tu as acheté le phaser, là, le pistolet. Ouais. Il faut une télé cathodique pour y jouer. Ah, ouais, c'est obligé, ouais. Sinon, il n'y a pas de. Après, la télé, j'en ai acheté une petite à 10 balles sur un vide grenier, pareil. On en trouve. Les gens sont même très contents de s'en débarrasser hein, quand ils vous voient acheter ce genre de truc. Ah oui, à ce point-là. C'est quoi ce dingue qui m'achète cette télé? Je pensais jamais la vendre, quoi. Ouais. Mais moi, l'affaire que t'as fait, ça me rappelle l'affaire que j'ai faite avec Sunset Riders sur Mega Drive, qui a plus de 70 ou 80. Une dame qui me sort la cartouche et elle me dit il marche pas mais je vous le vends 25 euros écoute je l'ai pris hein, je l'ai nettoyé et tout et puis ça, le jeu fonctionne, il n'y a pas de problème. C'est rare que les jeux ne fonctionnent plus maintenant. Voilà, c'est je veux dire, soit c'est de l'électronique toute basique, soit c'est comment dire, le nettoyage de pièces de métal, hein, il n'y a rien de difficile. Hein. Donc voilà. Et du coup, toi, ta collection, tu en fais profiter à qui? À ta famille? À des amis? Tu fais des conférences aussi? Je sais pas, j'en sais rien, des gamecom? Alors, pas du tout. Ouais. Pour l'instant, pas du tout. Mais j'avoue que, comme j'ai vécu cette expérience d'exposition, on va dire, avec le monde du Lego, peut-être c'est un truc où je vais peut-être m'intéresser un jour ou l'autre, parce que c'est vrai qu'à côté de chez moi il y a eu une petite convention un peu geek là où il y avait des mecs qui avaient amené tout un tas de consoles. J'ai trouvé ça plutôt sympa, Donc à voir, peut-être pas m'investir complètement, mais peut-être participer à ce genre de choses. Ça pourrait être assez sympa, mais c'est vrai que sinon, dans la région, Ouais. voilà, je connais que deux collectionneurs, par exemple, tu vois, avec qui je fais quelques échanges. Mais ça s'arrête là, tu vois, je connais pas grand monde dans le coin, quoi. On est un petit peu isolé, je suis dans ma campagne là, donc Je comprends, ouais, je comprends. voilà, c'est un peu plus compliqué que quand on est à Paris, quoi. C'est Bah, l'avantage que vous avez, je trouve, c'est d'avoir la place. Ouais, alors peut-être, voilà, déjà, le mètre carré est moins cher, donc du coup, la collection, Clairement, ouais. elle est mieux représentée. C'est Mais ça. c'est surtout que vos vide-greniers, à vous, il y a encore des produits intéressants, alors Il y que a encore des nous, choses, ouais. il y a zéro. Tous les gens ici, ils se dirigent vers Paris République pour vendre leurs jeux et prendre autre chose derrière sur Neo Geo. Toi, par contre, la Neo Geo, tu t'es jamais intéressé à ce produit. Pas du tout, non. C'est. Parce que pour moi, ça a toujours été une console inaccessible, en fait. Ouais. Ouais. Même, je veux dire, parce qu'il faut savoir que tu as quand même certains jeux, on va dire, qui sont autour de 90 euros. Est-ce que pour toi, c'est exagéré encore, 90 euros pour moi, Ouais. c'est la limite. En fait, c'est 80. Enfin, pour moi, 80 euros déjà, c'est une limite. D'accord. Au-delà, pour l'instant, j'ai vraiment du mal. Je ne crois pas que j'ai acheté un jeu plus que ça, en fait, pour l'instant. Tu m'as dépassé, j'en suis à 45, moi, maximum. Donc. À 45, ouais. Moi, je me suis mis 80, et c'est vrai que c'est du mal à aller au-delà pour un jeu. Ouais. Bah. Quoique, je suis en train de réfléchir et je me demande si j'en ai déjà mis 80, quoi. Hein. Je me dis que ça sera une limite. Je Bah. suis pas sûr que j'en ai mis autant. Bah, parfois, tu te poses la question, par exemple, quand tu vois. Ça m'est arrivé, hein, j'ai vu un jour un Batman et Robin sur Mega Drive à 85 euros. Et je me suis posé la question, est-ce que par rapport à la cote qui est à 120, ça vaut pas le coup de le prendre? Et ben, Ouais, c'est ça. j'ai bloqué en fait, parce que pour moi, ma limite C'est c'était ça. 45. Donc. Bah, c'est ça, ouais, c'est ça. Moi, c'est vrai que c'est une limite, en fait. Et puis les jeux des jeux, bah voilà, je les ai sur mon bar-top et je me contente de ça pour l'instant, quoi. Et les consoles mini pour toi, c'est un truc qui fait partie de ta collection ou pas du tout? Ouais, j'en ai trois. J'ai pas la NES. J'ai toutes D'accord. les autres. J'ai pas la NES. J'avoue que ça me sert pas mal déjà pour les faire. Parce que c'est vrai qu'il y a des jeux sympas dessus. À sauvegarder en direct, voilà. Ouais, c'est ça. Et même revenir en arrière, on a des choses qui sont quand même plus sympas maintenant qu'à l'époque où on notait les codes, quoi. Ouais, ah bah oui. Et en plus, ça me sert effectivement pour ma chaîne YouTube parce que bah, ça me permet de record vu que j'ai accès au HDMI. Ouais. Et donc, je peux envoyer sur mon AverMedia grâce à ça. Et donc, je fais pas mal. Une fois par semaine, j'essaye de faire une découverte d'un vieux jeu. Ouais. Sur ma chaîne et c'est souvent en fait des jeux soit de Nintendo Online aussi que j'ai sur la D'accord, Switch. d'accord. Tu as accès à des jeux NES et des jeux Super Nintendo. Malheureusement, ils sont pas en français, ça c'est un Oui. gros gros défaut. Et des cartouches, tu vois, comme sur la Switch, j'ai 50 classiques Mega Drive. D'accord. C'est génial. En plus, là c'est en français par contre, ça c'est pas mal. Et donc, ouais, j'utilise pas mal ce genre de trucs pour ma chaîne et puis pour jouer, pour refaire Landstalker par exemple, qui Ouais. est pour moi le jeu de la Mega. Enfin, c'était mon jeu de la Mega Drive à l'époque. Landstalker, j'ai passé des heures là-dessus, c'était Pour toi, exceptionnel. c'est le meilleur jeu d'aventure sur cette console. Pour moi, ouais. Ouais. Après, je les ai pas tous connus, hein, Bah, et mais. après, t'as Legend of Thor, Soleil, Ouais, les Legend jeux. of Thor, j'ai fait un rétro découverte il y a pas longtemps dessus. Et en fait, je l'ai découvert là cette année, quoi. Je l'ai découvert il y a quelques semaines. J'ai dit, bah, en fait, il a l'air incroyable ce jeu. Et non, je connaissais pas. À l'époque, je m'avais entendu parler, mais je l'avais jamais joué. C'est le côté cartoon, moi, que j'aime bien, un peu Ouais, ouais. style Aladdin, cartoon, dessin animé, c'est vraiment. Exactement. Aladdin, oh, quel. Ouais. Ouais. Bah ouais. Aladdin. Non, mais Ah, oui, bon. je l'avais aussi celui-là, Aladdin, à l'époque. Ouais, j'avais quand même quelques jeux sur la Mega Drive. Ouais. Ah, mais ce jeu, c'est pour moi, c'est comme Sonic ou Mario, hein, ils font partie de Ah, la légende des consoles. ouais. Aladdin, les musiques et tout. Enfin, c'était Ouais. l'humour. Enfin, pour l'époque, Ouais. c'était incroyable. Ah, Incroyable. c'est incroyable. Mais, bah, parce qu'après, je veux dire, ils ont ressorti la Philips CDI, ils ont pas fait mieux. Ah non, non. Hein. Non, mais c'était fou. C'était fou ce jeu-là pour l'époque. Hein. C'était... J'avais un moment kiffé, ouais. Ah ouais, superbe. Ouais. Mais est-ce que toi, tu serais prêt, par exemple, à collectionner des... Moi, j'ai vu ça récemment, plein de joueurs vont sur des consoles mortes, entre guillemets, Jaguar, 3DO, parce que y avait un marché. Pour le délire, à un tu vois, j'aimerais bien, pour le délire, dans mon optique de... j'aimerais bien avoir un exemplaire de chaque jeu qui est sorti sur Terre, en fait, c'est un peu ça mon délire. Hein. Ah d'accord. Bah oui, je suis un peu dans ce délire-là, en fait. Ouais, j'aimerais bien. Par exemple, il y a un mec qui m'a vendu un méga CD sur le Bon Coin pour une misère. D'accord. Bah, j'ai qu'un jeu dessus, quoi, par exemple. Parce et il fonctionne. C'est tellement cher. Il fonctionne. Et il fonctionne, ouais. Oh, voilà, ouais. Il fonctionne. Ouais, ouais. Ah, le mec avait pris grand soin de ses affaires. Mmh. Ouais. Et il avait énormément de jeux Mega Drive que je lui avais déjà racheté. C'est vrai que j'ai mis longtemps avant de passer le pas du méga CD. Mais j'ai fini par lui acheter parce qu'il me faisait pitié, quoi. J'ai dit, attends, tu vas pas rester avec ça, je préfère l'avoir chez moi. Ouais. Au moins, voilà, il est là, et même si j'y joue pas, voilà, il est là. Hmm. Mais ouais, pour le délire, hein, c'est vrai que j'aimerais bien avoir ce genre de console, la Jaguar aussi. Toi, ça m'avait pas dérangé à l'époque d'acheter l'Atari Lynx. Ouais. Et pourtant, la ludothèque était pas ouf, quoi. Bah, c'est mais, ça. Mais quelle console, quoi! Elle était extraordinaire à l'époque, cette console. C'était Comment il s'appelle le shoot 'em up qu'il y a sur cette console? C'est pas Raiden ou quelque chose comme ça? Je sais plus comment il s'appelle. Il y a un shoot 'em up qui est magnifique sur cette console, qui a un scrolling vertical. Et il faut tourner la console pour y jouer, je crois. Il y a une histoire comme ça. Ah, c'est possible, mais j'ai pas eu. Ouais. Et parce que moi, je me souviens après de, je crois, California Games, je crois qu'il y a dessus. Ah oui. Avec le surf. Ouais, j'avais ça, j'avais le Batman Returns. Enfin, j'avais des trucs. J'avais pas grand chose hein, au final, parce que elle est très vite morte. Je crois qu'il y a même pas 80 jeux en tout qui sont sortis. C'est quand même beaucoup 80, hein, quand tu penses à la NEC. C'est beaucoup, mais quasiment la totalité, c'est de la dope, quoi. C'est ça qui est dommage, quoi. Ouais. Je vois l'histoire, ouais. Mais là, il y a vraiment rien qui ressort, ouais. Bah, c'est ça, hein, c'est... Il n'y a pas vraiment de jeu marquant qu'on... Non. Il y avait Toki, c'est ça. Ouais. Mais bon, Toki, après, il était adapté de la version peut-être Atari ST ou je ne sais quoi, donc finalement... Ouais, c'est ça, ouais. Il y avait peut-être une résolution plus basse et c'est tout, et des détails en moins, je sais pas. Parce que ce qu'il faisait à l'époque sur Master System, c'est qu'il refaisait pratiquement un autre jeu, mais avec des décors en moins. Et puis, parce que quand tu vois par exemple Le Roi Lion ou Le Livre de la Jungle, tous les jeux Disney, c'est pas forcément les mêmes sur Mega Drive et Master System. Il y a des petites nuances à chaque fois. Ouais. C'était assez intelligent parce que même aujourd'hui, tu vois, pour les rétro gamers, c'est bien d'avoir des versions différentes et comme ça tu joues à des jeux différents. Exactement, ne serait-ce que le Aladdin qui est sur Super Nintendo et qui est pas du tout le même, quoi. Et toi, tu préfères lequel? Parce qu'il y a plein de gens qui en ce moment retournent leur veste et disent ah sur Super NES c'était mieux. Non, je reste sur la Mega Drive. Ah ouais, il faut quand même. Après, les musiques, bien sûr, tu peux préférer peut-être l'autre. Mais c'est vrai. Je me trouve qu'il y a beaucoup plus de musique variée sur la version Mega Drive. Et par contre, sur Super NES, si tu écoutes les sons, il n'y en a pas tant que ça. Et après, le jeu, il dure quoi? Il dure 40 minutes, 30 minutes, je sais pas. Il est très court hein, sur Super NES. Ouais, il est court, ouais. Ah, c'est... Mais bon, après, on va dire que c'était un jeu fait pour les enfants à la base, donc on va pas se plaindre. Des gros enfants, ouais, voilà, c'est ça. Mais il y a eu quand même des. Pour toi, la pire déception au niveau des jeux que t'as eu, en fait, un jeu que t'attendais depuis longtemps sur 16 bits ou je sais pas, PS1, et c'était une catastrophe pour toi. Oh, ça va être compliqué. Parce que c'est vrai que à l'époque, j'ai toujours acheté des jeux. Que j'étais sûr de moi en fait, j'ai jamais eu de vraie déception. T'as eu de la chance parce que. Ah ouais? Oh là là, moi je me souviens de certains épisodes. Rien que j'ai un ami qui s'était acheté. Voilà, le peut-être. Ouais, vas-y. Alors c'est pas sur console, mais c'est un Age of Empire parce que j'adorais ça. C'était sur PC du coup, parce que j'ai adoré le 1 et le 2. Ouais. Et je pense qu'après ils sont partis dans des histoires de mythologie et tout ça. Ouais. Et j'ai pas aimé. Voilà, c'est tout. Ah, c'est juste parce que t'as pas aimé, quoi, en fait. Ouais, j'ai pas aimé le côté mythologique et tout ça, alors que j'attendais le jeu en me disant ouais, ça va être génial. Et puis en fait, tout ce qui était dieu et compagnie que ça rajoutait au jeu, ça complexifiait un peu le gameplay. Et puis du coup, tu vois, j'aimais plus. Donc voilà, c'est peut-être ma seule déception de jeu que j'ai acheté. On va dire que t'étais plus prévoyant, tu savais à peu près ce qu'allait être bien et pas et Moi, mauvais, je m'en quoi. renseignais énormément. J'achetais, mais j'ai eu une époque où j'achetais je ne sais combien de magazines tous les mois. C'était hallucinant. D'accord. C'est hallucinant le nombre de magazines que j'ai pu emmagasiner, c'est le cas de le dire, Et t'en as à gardé l'époque. quelques-uns ou pas, non? Pas du tout. Pas du tout. Ouais. Ouais, Non, non. pareil, ouais. Ils sont tous partis à la poubelle, mais c'est Ouais, dommage parce que avant que la presse spécialisée devienne un peu entre guillemets corrompue et pas trop objective, là, quand la PS1, parce que quand la PS1 est sortie, moi je trouvais que c'est parti en vrille totale. bah Il y avait déjà, ils avaient des. leur propre magazine, déjà. Déjà en plus, voilà. Ils avaient leur propre magazine. Et là, c'est vrai que moi, j'étais beaucoup sur console plus, Joypad et compagnie. Ouais. Ah non, j'achetais énormément de magazines à l'époque, les Player One. Enfin bref, j'avais une sacrée collection. Je sais pas si toi tu regrettes cette époque-là, le début de la PS1 où tu avais des superbes jeux qui sortaient sur Mega Drive comme Rocket Knight, tu avais des Mega Man, etc. Et puis là, au début de la PS1, mais la 3D c'était une cata, mis à part peut-être Tomb Raider, Wipeout et certains jeux. Mais je trouve qu'on l'année où tu sais la PS1 est sortie, on aurait dû peut-être rester une année de plus sur 16 bits. Ah, c'est possible, hein. C'est Ouais. fort possible, mais moi je sais que j'avais décroché. Hein. Ouais. Enfin, faut La se mettre. 3D. Ouais, oui, faut se mettre dans le contexte. Hein. On est passé de la 2D à des Destruction Derby où tout était en 3D et tout se déformait. C'était complètement hallucinant pour nous. Ouais. Parce C'était fou. que le Vampire Kiss, je veux dire, sur la Super NES, qui sort en fin de vie de la console, et moi je n'y ai même pas joué quoi à l'époque. Hein, je veux dire, j'ai raté Ouais. plein de bons jeux quoi. Et aujourd'hui, j'y Ah, jouerai c'est pas jamais. faux. Mis à part en émulateur, quoi. En émulateur, quoi. Ouais, Ouais. voilà. Bon, faut pas. Ou alors, ils pourront peut-être le sortir sur le online de la Switch. Oh, c'est possible, hein, mais il n'y Ils est sont pas dans la capables. version. Ah oui, ils l'ont pas mis dans la version Castlevania Collection, là, je crois, c'est ça? Il y est ou C'est pas? possible. Ah, c'est possible. Je connais pas cette collection. Hein. Et ils ont sorti récemment, là, ils vont faire la Contra Collection aussi, Probotector, et Ah, ouais. c'est Konami qui fait ça, là. Ah non, ils sortent des belles collections, c'est assez sympa. Et puis sur la Switch, au final, ça choque pas, quoi. Quand ils jouent en mode portable, ça choque pas du tout. C'est vraiment super. Mais la manette, du coup, comment ça se passe? Ça fonctionne bien au niveau Alors moi, du. j'avoue que j'ai pas eu de problème. Ouais. Un petit peu, ça m'arrive de temps en temps que j'ai le petit souci de drift, là. Mais je le replace, je fous un coup de soufflette dedans, et puis ça repart. Hein. Moi, j'ai pas eu de... Et pourtant, je l'ai acheté Day One. Hein. Ça fait un moment que je l'ai. Oui, moi Après, aussi. voilà, je joue pas à des jeux hyper Violent violents. avec le paddle, ouais. Moi, je fais pas du Fortnite Ouais. dessus. Mais mon petit neveu qui a la sienne, il a défoncé le joystick à jouer à Fortnite, hein, c'est sûr. Donc maintenant, il n'a plus le droit d'y jouer. Il joue en mode docké avec une manette à 20 balles, quoi. Et au moins, il l'a. Parce que sinon, à chaque fois, c'est des coûts de 70 euros pour acheter des Joy-Con. Ça fait cher, quoi. Ah, mais d'accord. Non, non, mais moi j'ai pas eu de soucis. Donc pour l'instant, bah, je suis plutôt content. Et c'est vrai que maintenant que j'ai aussi la light, parce que bah, je passe 2 heures dans le train par jour, donc bah, ça me sert pas mal la light. Ouais. Et c'est vrai que j'ai pas de soucis parce que je joue pas des jeux violents, quoi. Je fais que des trucs un peu cool, quoi. Donc ça va. Et est-ce que toi, tu conseillerais certains jeux sur la Switch que les gens ne connaissent pas? Par exemple, en version indépendant? Wargrove. Direct, je te dis Wargrove. C'est obligé. C'est quel genre de Tu jeu? connais? Non, je Non? connais pas justement. C'est le Advance War qu'on avait sur la GBA. C'est du Ouais. tactical RPG. D'accord. Tellement exceptionnel. Complet, il est long, il est magnifique. Je l'adore. Il est Bon, pas en après, format, il est pas en format physique, il est que en téléchargement. alors, ils viennent de le sortir en format physique. D'accord. Il n'y a pas longtemps, et ils vont sortir un DLC bientôt, là, gratuit. D'accord. Donc c'est sympa. Celui-là, c'est pour les gens qui aiment le tactical. Après, c'est un genre particulier, hein. Mais il est vraiment exceptionnel. Et voilà, c'est pas des graphismes de fou à la Fire Emblem maintenant. dans le même genre, quoi. Mais il est exceptionnel. Et ce, ou ce... même tout ce qui était Céleste et compagnie, enfin, ils en ont sorti tellement. Ouais. Des jeux indépendants. J'ai été déçu, moi, de la nouvelle version de Contra en 3D qu'ils avaient faite, là. J'ai trouvé vraiment pas intéressant. Qui est sorti aussi sur PS4, d'ailleurs. Hein. Mais et toi, c'est marrant, sur ta chaîne, j'ai vu ta critique sur Luigi Mansion 3. Et ce jeu, Ouais. j'ai énormément hésité à l'acheter. Mais j'ai au début, Ah ouais? j'avais une hype énorme pour l'acheter. Ah ouais. Et j'ai eu plein de gens qui m'ont dit, une fois qu'ils l'avaient, au bout de 2-3 semaines, que c'était trop redondant, en fait, l'action. On faisait un peu les mêmes Sérieux? choses. C'est ce qu'ils m'ont dit. Et après, moi, quand j'ai vu ta... C'est là où j'en viens. C'est que j'ai Non. vu ta critique et ça me donne ré envie de l'acheter maintenant. Ah non, on peut pas dire que c'est redondant. C'est, y a tellement de créativité dans ce jeu. Ouais. Chaque niveau est différent. C'est un... Ah non, non, on peut pas dire que ça soit un jeu redondant. D'accord, on est d'accord que c'est la façon de jouer des gens qui est mauvaise, peut-être. J'en sais rien, mais alors moi, je n'ai pas trouvé du tout redondant. D'accord, Il d'accord. y a tellement de trouvailles. Enfin, moi, je veux dire, quasiment à chaque étage, j'étais surpris des trouvailles et du gameplay justement différent qu'il pouvait y avoir pour les étages. Non, mais il est exceptionnel ce jeu. Je vais pas mettre que c'est le jeu mon top 1 de la Switch, parce qu'il y a Zelda quand même. Ouais, puis moi j'adore Mario Deluxe. Alors peut-être que voilà, les gens y ont joué sur Wii U avant, mais Mario Ouais. Deluxe, moi j'adore quoi. Ouais, mais toi, bah, tout comme j'ai pas joué à Sonic à l'époque, par Ouais. exemple, de la Mega Drive alors que je l'avais, j'ai pas joué non plus à des Mario. Tu vois, j'ai pas du D'accord. tout cette culture Mario, moi. D'accord. De platformer en Mario, j'y avais jamais joué avant cette année, on va dire. Mais par contre, il est exceptionnel pour ceux qui aiment les Mario. Pour moi, c'est, à mon avis, c'est le meilleur Mario, toute console confondue, Oui, hein. il est infini, c'est ça. Tellement infini, tellement de niveaux géniaux, C'est dommage il que est ces exceptionnel. gars, ils aient pas pensé à faire un jeu comme ça avec Sonic. Parce que, voilà, tu donnes le Ouais, pouvoir aux gens de faire ce qu'ils veulent. c'est fou. Bah écoute, hein, je te remercie. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose pour terminer. Bah, les gens n'hésitent pas à venir voir ma chaîne. Hein. Ouais, Là, bah on parle redonne-nous que de jeux le... vidéo. C'est Gwenju Gaming sur YouTube. D'accord. De toute façon, je mettrai l'adresse en description dans l'article du Ça podcast marche. sur Spotify. Et puis les gens pourront aller voir ta chaîne comme ça. En tout cas, je te remercie. J'ai passé un bon moment avec toi pour parler de rétro gaming. Bah, c'est cool, moi Mais aussi. bah, tant mieux, tant mieux, tant mieux. C'est le principe. Et puis si jamais un jour tu es disponible pour faire un débat sur certains jeux avec d'autres personnes, bah écoute, on t'invitera avec plaisir. N'hésite pas, pas de problème. On vous souhaite à tous une très bonne année 2020 et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle émission Retro Gaming. Salut!